très heureux d'être là, une ville qui m'intéresse, hein, Liège, hein, parce que j'ai quand même fait un petit livre sur Stéman. Donc même s'il est oublié, ça reste quand même pour moi Liège toujours associé à Stéman. Et j'espère qu'il y aura un jour un retour en tout cas de Stéman aussi. Et puis très heureux de voir aussi des têtes connues, des amis, donc on va partager un petit moment sur Jean. Donc j'ai un début de rhume, donc j'espère que ça va aller au niveau de la voix, c'est surtout pour demain, ça m'inquiète un peu plus. Aujourd'hui, je pense que ça va aller. J'ai préparé quelques petites choses, donc déjà à dire en premier, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais qu'évidemment, Jean Rey, ça reste quand même, pour moi, l'auteur majeur du XXe siècle. Hein, et toute littérature confondue, hein, pas uniquement littérature de genre, je pense qu'un étudiant qui se respecte et un lycéen qui se respecte ne peut pas connaître la littérature sans avoir lu au moins Malpertuis ou quelques romans. Ça, je le dis toujours et j'insiste sur cela. Et donc, c'est très très bien qu'il y ait aussi des entreprises à côté pour refaire connaître aussi Jean Rey par l'image notamment, et j'espère vraiment que ça ira au bout pour mettre à l'honneur ce personnage, cet écrivain qui est aussi un personnage. Donc, j'invite aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas à redécouvrir en tout cas Jean Rey tel qu'il était dans son jus, avec l'édition donc chez Alma, l'édition Alma qui reprend les textes originaux de Jean Rey, puisque ça a été un peu réécrit par différents éditeurs, ou par Jean Rey lui-même, et par Marabout notamment, qui avait édulcoré certains passages. Donc les 10 volumes chez Alma ont été publiés, le dernier c'était l'année dernière, avec Le Carrousel des Maléfices et Saint-Judas de la Nuit. Donc ces 10 volumes qui ne reprennent pas l'intégralité de l'œuvre de Jean Rey, hein, puisqu'il y a 6500 textes, mais qui reprennent les textes princeps, en tout cas les textes importants au niveau du fantastique pour adultes, avec des textes inédits. Hein. Donc, je touche très peu de droits, hein, sur l'édition, mais pour ceux qui n'ont pas pu l'acheter, et pour ceux qui l'ont déjà acheté en double, ça fera toujours un peu plus de ventes. Donc j'ai aussi fait un petit ouvrage, hein, sur Jean Rey il y a quelques années, en 2010, je crois, qui faisait un petit volume de 800 pages. Donc j'ai quelques petites choses à dire, je pense, sur Jean Rey, donc je vais essayer de respecter les temps. Je vais vous proposer un plan, hein, on regardera, ou en tout cas une ligne directrice. Je ne peux pas en 45 minutes vous dire tout ce qu'est Jean Rey, le personnage et tout ce qu'il a écrit, ça serait trop d'informations, et puis après ça risque de brouiller plutôt qu'autre chose. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est simplement essayer de comprendre, ou essayer de voir quelle est la particularité, parce qu'il y en a une, la double particularité de Jean Rey, c'est-à-dire au niveau de son fantastique, quel est le type de fantastique qu'il propose, pourquoi c'est singulier, pourquoi il est unique à le faire de cette manière, et pourquoi il est inclassable, ou en tout cas on le classe d'un côté ou de l'autre. Et puis la deuxième chose qui est liée avec ça, c'est de voir un peu son écriture. Puisque là aussi, il a une écriture qui est quand même difficilement classable et qui est particulière. Quelqu'un qui lit Jean Rey, on reconnaît tout de suite le style de Jean Rey. Pourquoi il y a cette écriture, comment il l'a conçue, comment il l'a élaborée et comment c'est devenu sa marque de fabrique, d'un côté. Donc ça, c'est les deux grandes questions auxquelles je vais essayer de, non pas de répondre, hein, mais d'apporter un modeste éclairage. Et puis, pour que ça soit cohérent, donc je ne vais pas prendre différents textes. Je vais prendre simplement, j'essaierai à chaque fois d'utiliser les mêmes exemples. Donc c'est-à-dire à partir de textes de La Croisière des Ombres, qui est son recueil plus abouti, là où il y a les textes vraiment majeurs. Hein, donc c'est là où il y a La Ruelle Ténébreuse, Le Soutien de Mayence, Le Bout de la Rue, La Présence Horrifiante, Le Dernier Voyageur. Donc sept nouvelles qui sont les nouvelles les plus fortes de Jean Rey, hein, son recueil de 1932, et qui a été réédité donc par Alma. Ça, c'est pour acheter le troisième exemplaire. Et ça, il faut vraiment, en tout cas, si vous voulez faire de quelqu'un un adepte de Jean Rey, vous lui donnez d'abord ce recueil-là, La Croisière des Ombres, et après, vous êtes sûr qu'il lit le reste. Donc j'utiliserai ce recueil-là principalement, et encore même pas tout le recueil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais utiliser deux nouvelles, principalement, c'est Le Bout de la Rue et Le Psautier de Mayence. Donc j'arriverai à ça. Et puis, bah, maintenant, il va falloir suivre parce que je reviendrai à la fin sur ça, sur ce recueil. Je vais d'abord repartir pour essayer de comprendre comment il en arrive à 1932, ça sera la borne. Je n'irai pas plus loin que 1932. Je repartirai du début, de qui est Jean Rey au départ, pourquoi il écrit en deux langues et pourquoi il choisit le français à un moment, ce qui lui arrive avec les Contes du Whisky, son premier recueil, ce qui lui arrive juste ensuite avec la prison, comment il arrive à écrire La Croisière des Ombres. Et puis là, je donnerai des indices et je poserai une question et je vais noter tous ceux qui sont en mesure d'y répondre. Donc attention, hein. À partir de maintenant, il y aura des indices très forts. Hein, ça, c'est un moyen pour quand même attirer l'attention. Je vais donner tous les indices. Donc je verrai qui a suivi ou pas. Donc la première question, donc, c'est, la double question, c'est plus au niveau, je vais pas faire, je parlerai du fantastique un peu plus longuement, je crois, demain, si j'ai encore de la voix. Et donc je vais pas faire de théorie du fantastique, mais plutôt au niveau classification, comment le fantastique est perçu par certains critiques et aussi critiques spécialisées, critiques généralistes. Et comment on va classer certains types de fantastique du côté de la littérature, avec un grand L, et qui est aussi plus du côté de la paralittérature ou de la littérature populaire. Donc ça va être très sommaire, hein. Je vais le faire de manière simple. Dire tout simplement qu'au niveau des critiques, hein, je pense à Fabre, Bozzetto, Denis Mellier, enfin tous les critiques français, parce que le terme fantastique est très franco-français, hein. On n'a pas les mêmes problèmes au niveau de tout ce qui est anglo-saxon. Ben, on repère deux types de fantastique. Le premier, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle le fantastique de la présence, le fantastique de l'hypervisibilité, le fantastique de la causalité. Donc c'est un fantastique qui utilise l'hyperbole, à chaque fois la démonstration, ou en tout cas les termes les plus forts possibles. C'est-à-dire que quelque chose qui est très visuel, qui montre les choses et qui explique tout. Ça peut être religieux avec tout un système. Et donc ce fantastique de la présence, bah, ça part du roman gothique, d'une certaine manière. On voit des scènes aussi très fortes, jusque l'épouvante de Stephen King, Barker ou Kuntz. Stephen King a une chose très simple, hein, d'ailleurs, pour expliquer ça, c'est que lui parle du monstre qui éclate la porte, quoi, et qui est en face de vous. Hein. Donc ça, c'est vraiment une image marquante, quoi. C'est-à-dire que vous êtes confronté à la chose même. Et la sidération dans ce type de fantastique, ben, vient de la représentation directe. Donc c'est pas latéral, c'est vraiment direct, et la chose est en face de vous. Donc ça motive à chaque fois tout ce qui va être la paranoïa, plus des concepts de ce type-là, en tout cas aussi psychanalytiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce fantastique de la présence, c'est généralement, s'il est associé à l'épouvante, c'est un fantastique qui est considéré comme, entre guillemets, populaire, qui s'adresse au public le plus large possible, qui est considéré comme de la littérature seconde. Et puis, moi, ce qui au départ m'intrigue, ou me questionne, ou en tout cas m'entraîne à parler de ça, c'est que quand on regarde les théoriciens, beaucoup classent Jean Rey dans ce type de fantastique. Jean Fabre, notamment, qui parle de Jean Rey en disant que Jean Rey, ce qui frappe aussi chez Jean Rey, c'est cette hypervisibilité, cette dimension hyperbolique. Et puis là, je vais commencer, vous allez voir, moi, je cite toujours les mêmes. Il cite un moment, en disant qu'il y a le côté gore, un peu, hein, de Jean Rey. Donc il cite la présence horrifiante. Hein, je vous donnerai l'explication après. Hein, je donne cette citation. Encore cinq coups résonnèrent près de nous, au milieu de nous. Avons-nous hurlé notre horreur? Le ciel nous laissait-il la consolation infinie de pouvoir croire plus tard à une erreur de nos sens? Les cinq coups se frappaient là, sur le crâne de l'homme. Et ce crâne sonnait hideusement sous l'appel scandé d'un tortionnaire invisible. Puis, à nos regards éperdus, cinq plaies, cinq trous s'ouvrir dans la tête chauve et le sang coula noir sous la lampe. Donc là, on a typiquement une description qui est dans l'hyperbole, qui est dans l'hypervisibilité, qui donne la chose qui la représente directement. Donc on se dit, voilà, c'est un peu l'écriture de Jean Rey, et puis son fantastique serait un fantastique de la présence. Très bien. Les choses sont simples, on peut arrêter là et puis dire que Jean Rey fait ça. Or, il y a quand même une deuxième approche qui est donc le fantastique, et les critiques s'accordent aussi à dire ça, un fantastique qui est plus un fantastique de l'indétermination, un fantastique de l'ambiguïté, un fantastique de la litote, c'est-à-dire moins on en dit, mieux c'est. Un fantastique, donc, de tout ce qui va être suggestion, donc je crois que je l'ai dit, enfin suggestion, ambiguïté, et puis ne pas représenter les choses. Quand Stephen King, là aussi, je reviens sur Stephen King, quand Stephen King parle des modélisations possibles du fantastique, ben là, il évoque ce qui fait peur, c'est non pas le monstre lui-même, mais de savoir qu'il est derrière la porte. Donc là, on a vraiment un type de fantastique qui ne donne pas à voir, mais va jouer sur le côté la schizophrénie. On n'est plus dans la paranoïa, on est dans la schizophrénie. C'est moi et l'autre qui est derrière et que je ne vois pas en face de moi. Mais je sais qu'il est là et il peut être moi aussi. Donc ça, c'est évidemment un fantastique qui remonte à partir de Naudier et Gautier en France, donc même au passant plus tard. Donc c'est-à-dire, si je cite ces auteurs-là, c'est bien parce que ce sont des personnages reconnus comme des écrivains à part entière. Et ça, c'est le fantastique qui, à chaque fois, est promu d'un point de vue littéraire. Ce qu'on vous donne, j'allais dire au Cégep, mais je confonds avec le Québec, aux Athénées, hein, c'est ça. Chez nous, c'est dans les lycées, hein, mais bon, on fait la même chose, mais moins bien en France. Quand on va vous donner à étudier à des jeunes le fantastique, on va toujours donner ce type de texte. En disant, ben, voilà, c'est Maupassant, vous savez, Maupassant, c'est un auteur avant tout réaliste, et puis il a quand même écrit des textes fantastiques. Bon, c'est un peu fou quand il les a écrits, mais c'est écrit de telle manière, de cette manière-là, où il n'y a pas cette hypervisibilité, il n'y a pas ce côté gore, il y a le côté suggestion. Bon. Pour moi, la nouvelle qui symbolise, un des textes qui symbolise de manière la plus directe ce type de fantastique, c'est La Goutte d'eau, un des textes préférés de Guzzati. Qui est un texte très très court et où vous avez seulement une goutte d'eau qui remonte l'escalier. C'est un texte magnifique, que j'aime beaucoup. Aucune explication. Donc ça veut dire qu'avec ce type de nouvelle, ça c'est important aussi, ben, on n'a pas tout ce qui est tératologie. Il n'y a pas de monstrueux. C'est qu'une goutte d'eau qui remonte l'escalier. Il n'y a aucune explication, pas de causalité. Pourquoi elle remonte l'escalier, on ne sait pas. Il n'y a rien. Donc on est vraiment. D'un point de vue écriture, d'un point de vue modélisation, au niveau de l'art de la litote. Alors, la deuxième chose qui m'intéresse, c'est que Jean Rey, pour certains, pour Roger Bozetto, même Denis Mellier et même Jean Fabre, classe Jean Rey aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils prennent certaines nouvelles et disent justement, chez Jean Rey, il y a une absence d'explication. Donc on ne sait pas, il y a une ambiguïté interprétative. Pourquoi les choses sont là? Donc ce n'est pas causalisé. Donc il peut y avoir certes des éléments au niveau de la description, mais voilà, on reste dans une vacuité, en tout cas explicative ou logique, argumentative. Et qu'est-ce qui est donné aussi par certains critiques, quand je vous ai dit que j'allais vraiment en rester à ces deux nouvelles-là? Ben, par certains critiques, ce qui est donné comme exemple, c'est la présence horrifiante. Le bout de la rue, notamment, puisque le bout de la rue, il n'y a aucune explication. Tout est dans la suggestion. Le mot Jarvis, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas. Et puis la présence horrifiante, finalement, c'est donné comme exemple. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, il faut le lire. La présence horrifiante, c'est simplement, hein, je résume l'histoire à la serpe et pas à la jambée, c'est simplement des marins qui sont, enfin des, personnages qui sont dans un bar avec une tempête autour, et puis arrive un étranger. L'étranger arrive, elle est là, c'est la tempête, et tout le monde devient effrayé. Et à la fin, on a justement ces 5 plaies sur le crâne de l'étranger, mais aucune explication n'est apportée. Donc quand même Fabre l'utilise, et Bouzeto aussi, pour dire bah, là on est vraiment dans une absence de causalité, une vacance explicative. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On n'en sait rien. C'est ce que les critiques disent. Ils utilisent d'autres nouvelles de genre, où il y a l'absence d'explication. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que vous avez un même texte, le Psautier de Mayence, qui peut être utilisé des deux côtés. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Enfin, de voir, les théoriciens qui connaissent théoriquement, les théoriciens qui connaissent théoriquement, c'est pas beau, mais bon, qui connaissent, en tout cas, qui ont un emport très large au niveau des lectures, et ben, utilisent Jean Rey à chaque fois, parce que c'est un auteur majeur du fantastique. Et puis, en tant qu'exemple, il se retrouve d'un côté ou de l'autre. Déjà, ça, c'est intriguant. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean Rey, dire, comme on aime bien classifier les choses, finalement, c'est qui cet auteur qui... est-ce qu'il ne le fait pas exprès, etc. Premier point. Deuxième point, qui m'intéresse aussi cette fois-ci, et puisque je vous dis que les choses étaient liées, c'est l'écriture de Jean Rey. Et l'écriture de Jean Rey, il y a quelque chose qui frappe. J'ai déjà perdu un auditeur. il est effrayé. Et donc, si... au niveau de l'écriture, certains critiques, dont Fabre notamment, pourtant qui vraiment caractérisé Jean Rey au niveau de l'hypervisibilité tout en ayant cette suggestion, vont parler d'un fantastique avec une écriture maigre, donc une écriture au niveau de la mythologie. Une écriture qui est plus axée sur la métaphore. Et quand Fabre a un passage, notamment, pour dire qu'il y a une volonté de certains écrivains de littérature fantastique de bien écrire, d'avoir une sorte de filtre au niveau de la représentation du monde, qui donne-t-il comme exemple? Jean Rey. Donc, je vais citer Fabre, quand même, parce que voilà ce qu'il dit de Jean Rey. D'une part, le texte se segmente souvent phrase après phrase en des sortes de versets. Cette respiration du texte est presque claudélienne. Pour moi, il y a un côté plus apollinarien, mais j'en parlerai après. D'autre part, et c'est là ce que c'est important, la métaphore est toujours en embuscade ici et là. Tout cela ne touche pas le surnaturel proprement dit, mais s'apparente à une distorsion du réalisme d'inscription. Donc ce qu'il dit, c'est quand même que Jean Rey a ce sens de la métaphore pour ne pas représenter de manière directe les choses. Et quand il parle du souffle de Jean Rey, c'est vrai qu'il y a des versets, et moi je ne peux jamais m'empêcher de lire le début de La présence horrifiante. Pour moi, ça fait partie des plus belles pages, sincèrement. Je ne le dis pas parce que je dois vendre 4e édition, mais ça fait partie pour moi des plus belles pages de la littérature. C'est-à-dire que le début de La présence horrifiante, quand Jean Rey décrit une tempête, voilà ce que ça donne. Écoutez derrière la puérile barrière de la vitre, noire comme du sang caillé, toute l'apothéose des bruits méchants de la tempête. Vous voyez, il y a un souffle qui est vraiment apollinarien. Elle est accourue de loin, du fond des mers haineuses. Elle a dérobé au rivage maudit où pourrissent les phoques crevés de gale, les relents du mal noir et de la mort. Elle a hué au nid 500 agonies pour assiéger notre pauvre cabaret où le whisky est aigre et le rhum épais. C'est absolument, moi je trouve ces pages absolument magnifiques au niveau d'une description, simplement dire qu'il y a une tempête. Et là on voit vraiment qu'il y a ce côté très large, un panorama très large qui arrive finalement à présenter un lieu. Mais c'est difficile à rendre en image, mais il y a ce côté vraiment, le lieu qui arrive avec presque une dimension cosmique qui est condensée par le lieu, et lui le rend avec une respiration qui est apollinarienne. Deuxième chose que dit aussi, donc, et je reviens là-dessus, sur Fabre, c'est ce sens de la métaphore. Alors, il en donne, et quand il donne les métaphores de Jean Rey, il parle des scarabées des moulins s'efforcer gauchement d'escalader le treillis de l'averse. Je trouve ça pas mal. Les marins qui se racontent d'effarants secrets parlent le menton sur la poitrine où la laine de leur vareuse et la toison de leur chair mangent les syllabes sonores. Donc, des métaphores qui viennent, qui proviennent du bout de la rue et du psautier de Mayence. Voilà, il y a déjà ce côté assez étonnant de dire qu'il y aurait une écriture maigre de Jean Rey, une écriture proprement littéraire. Deuxième chose qui est étonnant, puisque je joue les deux côtés, finalement, il y a d'autres critiques, beaucoup plus de critiques cette fois-ci, qui, quand ils ont à évoquer l'écriture de Jean Rey, parlent d'une écriture, cette fois-ci, grasse, et une écriture qu'utilisent des clichés. Donc, parfois avec les mêmes textes, encore une fois. C'est-à-dire que, finalement, Jean Rey se lit très vite, parce qu'il y a beaucoup de clichés. Parce qu'il y a une syntaxe qui est finalement très courte, très fluide, très coupée. Donc, pas de phrases trop compliquées à lire, même si les jeunes, maintenant, sont persuadés que j'en ai écrit trop. Et donc, là, je prendrai l'exemple de Fernand Verhoeven, hein, qui est aussi un écrivain belge, critique aussi, et qui dit, je le cite, hein, quand il parle de Jean Rey, « Le rythme de lecture doit être extrêmement rapide, et faciliter de manière que ne se présente aucun obstacle à la pensée du lecteur. Roman populaire, point d'interrogation. Certes, ce qui signifie que le lecteur ne peut être astreint à construire un autre texte que celui dont la présentation lui est benoîtement offerte. Le mot ne peut avoir qu'une dimension et une seule. » Voilà ce que dit Fernand Verhoeven, et je le prends ici comme exemple. Ce n'est pas le seul à caractériser l'écriture de Jean Rey de cette manière. Et donc Verhoeven, il dit quand même que finalement, l'écriture de Jean Rey, ce n'est pas caractérisé par des métaphores originales. Il dit voilà, il y a très peu finalement de métaphores. Et je suppose qu'il a quand même lu Jean Rey pour arriver à ça. Mais l'utilisation des clichés, avec ce qu'il dit, je cite encore, l'impact psychologique d'une écriture qui draine les effets les plus sûrs. Un moyen, donc je le cite, que n'a pas négligé Jean Rey, consiste à banaliser encore davantage le langage, à rendre plus imperceptible encore l'impact des mots en utilisant ce qui fait office de formule magique, à savoir les clichés, les expressions passe-partout, celles précisément qui ont gardé dans la mentalité populaire restituée à son intégrité le plus grand pouvoir évocateur. Et il va donner des clichés, il donne des exemples sur des phrases très simples, du bout de la rue, du dernier voyageur, du psautier de Mayence. Donc c'est quand même assez étonnant. Et il en donne deux quand il donne des clichés. Quand il cite Le bout de la rue, et voilà, il y a des clichés qui sont des clichés baudelairiens que tout le monde finit par comprendre parce que bah, tout le monde a lu Baudelaire, au moins au niveau de l'école. Et il cite donc dans Le bout de la rue ces paroles qui glissaient vers moi comme des couleuvres. Bah, il dit c'est un cliché. Je baudelairien, quand il dit demande ma pauvre raison qui bat des ailes de papillon blessé dans la geôle de mon crâne. Ça, c'est le style baudelairien, mais quand on l'écrit 50 ou 60 ans plus tard, ben, finalement, c'est un cliché. Un cliché, hein, j'y reviendrai après, mais un cliché, c'est une métaphore qui est polie par la répétition. C'est qu'au départ, une métaphore, c'est original, et quand elle est utilisée tout le temps, quand elle est polie par la répétition, ça devient un cliché. Et la dernière chose qu'il cite, alors là, il dit, mais c'est vraiment du cliché éculé, hein, Verhoeven. Donc il parle des personnages qui sont au bord du précipice. Ça c'est Graham Greene qui en parlait autrement, mais ça, des faces formidablement pâles. Et puis il dit, ça c'est une Baudelaire éculée. Et il cite la présence horrifiante, la hantise de la grande solitude qui heurte notre crâne et tâche d'y rentrer. Donc la hantise de la grande solitude qui heurte notre crâne et tâche d'y rentrer. Ça il dit, bon, on ne peut plus écrire des choses comme ça, pour Verhoeven. Ok, voilà. J'en termine avec Verhoeven. Et puis j'en termine avec l'introduction qui était un peu longue. Enfin, en tout cas, c'était 4 pages. Voilà, pour résumer. Et j'ai essayé vraiment de rester à des textes identiques. Quel fantastique, apparemment les deux. Quelle écriture, apparemment les deux. On n'a pas la réponse. Et voilà, ça c'est le cadre général. Donc maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas du tout regardé l'heure, hein, donc je ne sais pas S'il me reste un peu, une heure ou deux, je vais aller assez vite après, hein, finalement. Je vais en arriver à la fin avec ça. Donc n'oubliez pas, c'est le cadrage général. Maintenant, je reviens au début de janvier pour arriver à la croisière des ombres et comprendre un peu ce qui lui est arrivé et ce qui a fait qu'il a pu écrire des textes de cette manière. Parce qu'encore une fois, même s'il ne faut pas, et c'est aussi ce que je dis toujours à mes étudiants, de ne pas tout replier sur la biographie de l'auteur, on ne peut pas l'occulter non plus complètement. Il y a des circonstances qui font qu'il y a une évolution aussi de l'écriture, des chaînes, des perceptions, et puis de ce qui va être raconté. Et chez Jean Rey, c'est assez frappant. Quand on suit sa carrière, c'est-à-dire qu'il y a deux carrières de Jean Rey. Donc, je vais vous faire très vite le début de carrière, qui va s'arrêter en 1926, et la suite, parce que la suite va être frappée, enfin en tout cas marquée par cette date de 1926. Donc au début, hein, je vais très très vite parce que c'est pas ça qui m'intéresse, mais Jean Rey, 1887, famille petite bourgeoisie de Gand, donc bilingue, pour essayer d'accéder à une certaine assise sociale par la langue française. Au départ, ses premiers textes de Jean Rey, il est bon de le rappeler parce qu'on l'oublie, il écrit ses premiers textes en néerlandais, même en flamand, puisque le néerlandais n'était pas à l'époque la langue. Et ses premiers textes, 1903-1907, sont des textes où il est flamandant. Donc c'est-à-dire qu'il se moque de ce que représente le français socialement au niveau de la bourgeoisie. Donc il y a un texte où il y a deux pannes, et puis il se moque des Français qui... bail en français, etc., enfin, avec la langue française. Donc c'est un auteur qui adopte une langue, le flamand, avec ce que ça représente d'un point de vue social. Le problème, et ça c'est intéressant chez Jean Rey, c'est de voir cette adaptabilité, c'est que très vite, 1911, là cette fois-ci, il va écrire en français, des nouvelles réalistes. Et quand il écrit en français, il prend la position inverse. C'est-à-dire que des nouvelles comme Le voleur sur la route, sur des nouvelles réalistes, hein, pas fantastiques du tout, il n'y a pas de... tout ce qui est le peuple flamand, néerlandais, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est complètement occulté sur la route, ça se passe avec le Touring Club en Flandre. Il y a un assassin, ou en tout cas celui qui veut prendre possession de la voiture, hein, qui doit être une Bugatti ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de la marque. On devine très bien que c'est un... Donc il veut prendre possession de ce qui représente la francophonie. Et évidemment, Jean Rey prend position d'une certaine manière pour ce que représente la francophonie, en tout cas en Flandre. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas obligatoirement le plus important chez Jean Rey, mais c'est aussi pour comprendre que dès le départ, il y a chez lui, et ça permet de comprendre tout ce qui est schisme hein, chez Jean Rey, il y a chez lui ce tiraillement. C'est-à-dire qu'il appartient à une double culture, à un moment où il faut choisir. Et quand il choisit aussi un positionnement par la langue. Et donc, on ne peut pas occulter le fait, il ne suffit pas de dire que Jean Rey a écrit après toute sa vie en deux langues, c'est comprendre ce que ça représentait au niveau de la force du choix qu'il a dû faire. Ça, c'est important. Et en même temps, ça montre qu'il a... c'est un mystificateur, Jean Rey. Il faut aussi dire les choses, appeler les choses par leur nom. Changer d'opinion, parce que c'en est une, c'est pas des textes sont extraordinaires d'un point de vue littéraire, il était encore assez jeune, mais changer d'opinion dans les textes de manière aussi flagrante, ça vient de quelqu'un qui sait calculer ce qu'implique la littérature et comment toucher des publics ciblés. Voilà, c'est une chose. Il écrit après du fantastique beaucoup plus tardivement. Son premier texte fantastique, c'est 1919. Donc Le gardien du cimetière, qui est un récit de vampire très classique, à part que c'est une femme, mais inspiré de Strobel, c'est évident, il a lu Strobel et puis il l'a appliqué un peu, avec la duchesse Opolochenska. Hein, j'essaye de voir, comme je sais que Jean-Louis, tout ce qui est slave, va me contrôler si je prononce mal, mais j'essaie de le faire au mieux pour toi. Et donc, à partir de 1919, il commence à écrire des récits fantastiques. Ce n'est pas obligatoirement, avant il n'en avait pas écrit, hein, c'était que réaliste. Et c'est pas obligatoirement sa marque de fabrique. Et puis, ce qui se passe, c'est que progressivement, il essaie de se faire un nom en littérature. Il se spécialise un peu dans ce type de texte. Et il va créer, il va diriger sa revue. Hein, donc, il dirige le journal de Gand à une certaine époque, ensuite l'année du livre. Et puis, dans la vie du livre, à partir de 1923, il va publier des nouvelles qu'il place à l'enseigne des Contes du Whisky. Et ces nouvelles, qu'il publie au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on peut, et j'avais basé l'édition critique des Contes du Whisky aussi à partir des textes de l'ami du livre, il construit son recueil dans la revue. Donc, hop, tous les textes, ce qui va être publié après dans les Contes du Whisky, c'est presque l'ordre des nouvelles publiées dans l'ami du livre. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là aussi, donc, il établit un système. Il établit un système où, s'il y a le whisky, le principe, c'est un principe d'anamorphose. C'est-à-dire qu'il y a les choses telles qu'elles sont, et le whisky, avec tout ce que ça implique, l'or, etc., l'or pur du whisky, ça permet de voir de manière éphémère les choses différemment, décalées. Donc c'est pour ça que quand il va publier son premier recueil en 1925, Les Contes du Whisky, avec les nouvelles tirées de cela, il y a ce principe qui est mis en avant. Donc toutes les nouvelles ne sont pas fantastiques, mais toutes les nouvelles font état d'un décalage par rapport à la réalité. Donc il y a beaucoup, les personnages sont principalement des marins qui sont soumis à une sorte de, non pas fatalité, mais en tout cas de quelque chose de répétitif, quelque chose qui l'enferme, ce qu'il appelle aussi l'enfer dedans, le quotidien, qui est toujours la même chose. Et puis à un moment, on voit le basculement avec simplement cet or du whisky. Donc c'est un système qu'il propose, qu'il fabrique. Et quand est publié son recueil, Les Contes du Whisky, il y a tout de suite une réception critique qui est très très forte. Parce qu'à l'époque, ça paraît neuf. Ça paraît neuf non seulement au niveau d'un recueil de nouvelles qui suit un principe, Les Contes du Whisky, c'est pas le premier, mais en tout cas qui l'applique dans tous les textes. Et c'est neuf aussi par rapport à une certaine modernité au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que Jean Rey était contre, dans l'ami du livre, contre notamment tout ce qui était le roman psychologique. Gilles détestait André Gide, moi aussi, mais bon, c'est pas grave. Je n'apprécie pas beaucoup Gide. Pourtant, j'ai fait cours sur Gide, je suis obligé de faire croire aux étudiants que j'adore Gide. Mais bon, ça, c'est le principe des. Quand on enseigne, on est toujours un peu acteur. Et donc, il déteste Gide, et il déteste Paul Bourget aussi, et il déteste tout ce qui est le roman psychologique. Parce que son principe de base, c'est de dire que le roman psychologique à la Bourget, Henri Bordeaux aussi, etc., est complètement faux. Et voilà, quand on essaie de représenter la réalité et que vous avez des paysans qui s'expriment en imparfait du subjonctif, ça c'est faux. Donc voilà, et c'est faux. Moi je fais, et c'est ce qu'il fabrique dans son recueil, quelque chose qui est scientifique. Quelque chose qui représente la réalité aussi des tavernes telle qu'elle est enregistrée. Et si je dis enregistrée, c'est que, quand je dis que c'est moderne, c'est un recueil qui est très oral, Les Contes du Whisky, qui va produire dans certains textes des onomatopées pour représenter le bruit d'un orchestre. Il y a des onomatopées, zim, boum, etc. Donc il écrit vraiment quelque chose de très sonore. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adaptations de spectacles, de contes à partir des Contes du Whisky, parce qu'il n'y a presque rien à faire. Tout est là, c'est que la parole. Et puis il y a des textes qui sont quand même assez subtil, parce qu'il y a des textes, c'est notamment une main, il y en a deux comme ça, et le nom du bateau, je crois, je ne me souviens plus croyez-moi sur parole, mais je ne me souviens plus du titre de la nouvelle, où quand on le relit, et c'est là où on voit la fabrication, et j'insiste sur le terme dont on voit la fabrication, quand on le relit, il n'y a aucun collecteur, rien. Ce sont des nouvelles où il n'y a qu'un dialogue. Donc c'est-à-dire que comme si on mettait un micro et qu'on enregistrait ce qui se disait. Mais ça construit un texte avec une intrigue. Donc d'un point de vue littéraire, c'est essayer. Moi, je ne sais jamais à l'écriture, mais essayer, c'est quand même très compliqué à écrire. Parce que c'est un dialogue qui fait l'histoire. Donc il va raconter, c'est le crocodile. Voilà, le crocodile n'est que quelqu'un qui va raconter cette histoire. Et reprenez le texte, il n'y a pas une seule fois où c'est dit le personnage, etc. Rien. un micro qui enregistre. D'un point de vue littéraire, c'est périlleux. Mais il n'empêche que c'est de la fabrication. Et ça, il faut quand même en être conscient aussi. Genré a construit de manière très savante, très précise, il a mis plusieurs années, un recueil très très bien agencé et très bien dirigé au niveau de l'écriture. Donc ça explique aussi pourquoi il y a eu cette réception qui était très très forte. Hein. Au bout de 5 mois, il a quand même eu un article dans la NRF, la Nouvelle Revue Française, par Marcel Armin, qui s'étonne de « c'est quoi cet auteur ?» Je n'avais jamais entendu parler de cet auteur qui s'appelle Jean Rey. C'est étonnant, enfin, c'est quelqu'un comme une météore qui arrive là et qui apporte quelque chose de neuf. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un article tout de suite dans la NRF, et en plus par Marcel Armand. Donc, il arrive avec ce recueil où il est perçu comme écrivain à part entière, avec un style qui lui est propre. Donc ce style qui est vraiment style oral, pas de métaphore. Les conduits ici, si vous reprenez, il y a très très peu de métaphores, puisque justement tout est basé sur le langage. Il peut y avoir des comparaisons qui sont énoncées par les personnages. Voilà, Jean Rey est très content, ça se vend très bien, beaucoup d'articles, tous les mois, les 6 premiers mois, il y a des articles. Donc comme il venait un peu d'une extraction sociale un peu compliquée, et qu'il avait voulu toujours être un auteur reconnu, consacré, eh bien d'un seul coup, il est sûr de lui, avec un ego très, très fort, en disant « je suis le plus grand écrivain du monde ». Il suffit de voir les photos. Moi, j'ai toujours dit, ça peut surprendre, que je connais un personnage comme Jean Rey maintenant. C'est quelqu'un que je suis capable de, tel qu'il était en 1925, c'est quelqu'un que je suis capable de détester au bout de 5 minutes. On en connaît beaucoup des écrivains comme ça. Mais il suffit de voir les photos, c'est quand même moi devant, les autres derrière. Il a une voiture avec chauffeur. Il va au Palace Hotel à Zeebrugge, donc il y a des signes ostentatoires de réussite. Donc il est persuadé d'être l'écrivain reconnu, le plus grand écrivain. C'est tout. À la rigueur, si Jean Rey a continué ce type de carrière, ça pouvait être un écrivain littéraire qui fabriquait des ouvrages. Peut-être que je n'aurais pas écrit 800 pages dessus, hein, pour être clair. Même si j'aime beaucoup les conduits, mais avec une telle fabrication, c'est très fort les conduits, mais c'est un système. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est là où on va vraiment, grâce à ça, avoir le genre tel que nous connaissons. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que, en 1926, il fait de la prison. Voilà. Il va être condamné à 6 ans et 6 mois de prison. Donc, non pas tel que la légende le dit, pour trafic d'alcool, etc. Mais simplement parce que l'ami du livre, c'est comme ça qu'il avait été connu en France, ben, l'ami du livre, c'est lui qui a injecté tout l'argent. Pas de trafic d'alcool. Donc il a simplement fait des petites exactions avec un agent de change qui s'appelle Auguste Van den Bogaard, et puis il a injecté tout dans sa revue. Donc comme il est mystificateur, il récupérait de l'argent en disant en fait, ce qu'il va le mettre dedans, c'est des actions Katanga. Enfin, je le dis parce qu'en Belgique, on connaît les actions Katanga. En France, quand je dis ça, les actions Katanga. Et donc en fait il a vendu les actions Katanga avec l'agent de change qu'il n'avait pas. Et puis à ce moment-là, les actions Katanga sont montées en flèche, et je me souviens plus des sommes, mais au lieu de devoir 100 000 euros, au bout de 3 mois, il enlevait 5 millions. Quoi. Et donc là, à l'autre a dit, maintenant je veux mon argent, et bien, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais eu les actions. Il a porté plainte, c'est le docteur Do, il a porté plainte, puis du coup il y en a une dizaine derrière qui sont dit, moi il m'a fait la même chose. Donc c'est pour ça qu'il a pris 6 ans et 6 mois, parce que c'est le cumul de plaintes. Donc, il avait utilisé ça pour sa réussite personnelle. Pourquoi c'est important et pourquoi maintenant on va arriver vraiment, vous voyez, on est en 1926, la croisière des ombres, c'est 6 ans plus tard, si mes calculs sont. Parce qu'il ne va pas faire les 6 ans et 6 mois de prison, hein. Il va quand même en faire 3 ans et demi. C'est pas mal. Enfin, je ne le souhaite à personne. Quoi que si on se connaît mieux après, je pourrais vous expliquer. Mais il en fait 3 ans et demi. Qu'est-ce qui est important ? C'est que d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui est persuadé d'être unique et qui se retrouve à faire de la prison. Donc il devient le côté unique, un simple numéro, un simple prisonnier comme les autres, même s'il a des conditions de détention relativement clémentes, puisque son oncle est Édouard Ansel, et donc il a une cellule, il est seul dans sa cellule, donc il va pouvoir écrire. L'agent de change, au besoin d'Ed Bogart, lui, va faire les 6 ans et 6 mois, dans une cellule où il est avec plusieurs personnes, et Jean Rey, lui, en fait la moitié. Bon, comme quoi ça sert toujours hein, d'avoir des oncles ministres. Et la corruption, je vous rassure, à l'époque de l'âge. Non, en France aussi, même plus. Mais il n'empêche que s'il a des conditions d'une pension relativement clémente, il est complètement le personnage Jean Rey. L'écrivain Jean Rey n'existe plus. C'est-à-dire qu'il est obligé de démissionner de la Société des gens de lettres. On lui dit « tu dois démissionner ». L'ouvrage, les conduits ici, est retiré de la vente par la Renaissance du livre, en disant bah, « non, on ne publie pas des auteurs finalement comme toi, tu fais de la prison ». Donc il n'existe plus. Le nom de Jean Rey n'a plus aucune valeur. Et quand je dis valeur, c'est à tous les niveaux. Et puis finalement, bah, il va commencer à écrire en prison. Enfin, il va passer son temps en prison à écrire. Et c'est là où on arrive à écrire avec ses textes. Hein. Il va écrire certains des textes de La Croisière des Ombres en prison. Il va même publier des textes hein, dans l'Islande de son, enfin, son temps d'incarcération. Il enverra des textes dans des revues néerlandaises. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aller assez vite hein, finalement sur le dernier mouvement. Je ne sais plus où j'en suis, mais ce n'est pas grave. Ben, il doit adapter son écriture. C'est-à-dire que quand il va sortir de prison, ou quand il écrit prison, comme le nom Jean Rey n'existe plus, comme il n'existe plus en tant qu'écrivain, maintenant, il ne sait rien faire d'autre que vivre de sa plume. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé, hein. Il n'a jamais été très assidu. Il était employé communal, mais il n'y allait pas, etc. Donc, il ne sait pas travailler, hein, c'est tout. Ça arrive, hein. Généralement, on termine enseignement. Donc, lui, il termine écrivain. Donc, il sait écrire. Alors, on va essayer de vivre de sa plume après. Mais pour vivre de sa plume, il va utiliser différents pseudonymes. Et là, par contre, il est moins payé qu'on pensait que c'est Jean Rey, parce qu'il pensait qu'il veut de l'argent, de sa plume. Et il doit s'adapter à un public, cette fois-ci, qui est beaucoup plus populaire. C'est-à-dire, il va écrire dans des journaux. Il va se mettre à écrire les Radixons. Il n'y a pas de nom d'auteur. Donc, il doit changer. D'une manière ou d'une autre, son écriture. Et comme il écrit du fantastique, et puis c'est ça qu'il sait écrire, même si c'est beaucoup plus sombre, ben, il doit écrire un fantastique beaucoup plus direct, beaucoup plus accessible, et qui va être basé sur des clichés, cette fois-ci. Non pas des clichés, mais des choses directement accessibles. Donc on repère, cette fois-ci, dans son écriture, la présence, notamment, hein, j'y reviendrai, quand on a des clichés, des « il y a », des phrases qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, surtout au niveau des ouvertures de nouvelles ou des reprises dans des scènes, où là, on n'a pas de phrases trop compliquées, mais des phrases des « il y a ». Je pourrais vous en donner, hein, dans le présent, le bout de la rue, la présence horrifiante, pardon. « Il y a autour de la marmore kirchue des rirelles, il y a là un comptoir de bois noir, alors il y a comme un cri » unanime de douleur, voyez, des formules qui seraient presque condamnées pour un écrivain reconnu, parce que il met quelque chose de manière directe. Alors, ça peut être pris comme une forme d'enfermement, c'est-à-dire qu'il répond à une forme de commande. En même temps, quand on regarde ce qu'il en fait, bah, lui, c'est plutôt les IA du côté de Rimbaud. C'est-à-dire, il y a une fondrière qui descend, une cathédrale qui remonte, le fleuve, etc. Donc, il utilise ça pour donner effectivement un accès direct à la réalité représentée. Donc, il y a cette forme de présentation qui n'est pas latérale, mais qui est frontale. Il donne les choses à voir. Et ça, c'est assez frappant sur certains textes. Et il donne, il s'amuse aussi à nommer. Hein, goule, pieuvre de terre, etc. Donc il nomme à chaque fois toutes les figures attendues des récits fantastiques. Goule, pieuvre de terre, vampire inouï, monstre de mystère, c'est une citation de genrée, pour essayer de donner une plausible explication dans ça, c'est le bout de la rue. Bon, vous voyez, c'est presque le côté, et l'Ilia, c'est ça aussi, hein, ce que faisait Apollinaire avec l'Ilia aussi, et Rimbaud d'une certaine manière, c'était presque le côté nomenclature qui permettait d'avoir un ressassement des figures que le texte condensait. Ben, quand vous avez un auteur qui écrit pour une possible explication, qui ne vous dit pas ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela, mais qui vous dit goule, pieuvre de terre, vampires inouïs, monstres de mystère, ben, vous dites maintenant un auteur qui ferait ça actuellement, on dirait, oh, t'exagères un petit peu, c'est un peu facile. Et vous allez voir que c'est un système que lui fabrique. Et c'est ce système qui est intéressant. Parce qu'il est prisonnier, donc de cet accès direct, il en fait, et il est obligé de le faire, un des fondements de son écriture. Mais il ne subit pas l'enfermement, et c'est la dernière fois que la démonstration, finalement, il y en avait une autre, mais on l'arrêtera peut-être à là. Il ne subit pas cet enfermement, il en joue. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il sait comment il doit écrire, et il va donner, à chaque fois, des exemples de ce qu'on appelle des dénudations des procédés. C'est-à-dire qu'il utilise des procédés et pas des biais, par un biais littéraire, de truchement littéraire, il va le commenter dans les textes et le mettre à distance. Donc c'est ce qu'on appelle de la dénudation. C'est-à-dire, je ne suis pas dupe de ce que je fais, je ne le dis pas de manière directe, mais je commente cet effet par l'intermédiaire de personnages. Et je reprends aussi, hein, quand je vous ai annoncé que j'utilisais toujours les mêmes textes, je reprends la présence horrifiante. Vous avez vu qu'il y avait cette description de la tempête qui était justement cette fois-ci assez étonnante. Et juste après, on a « Pourquoi, dit Holmer, faut-il mettre autour de chaque histoire terrible une nuit noire et un orage affreux ? C'est de l'artifice. »« Non, répondit Beer, c'est une réalité, une chose ainsi voulue par la nature. » Ça, c'est un exemple typique de dénudation de procédé. « Pourquoi faut-il mettre autour de chaque histoire terrible une nuit noire et un orage affreux ?» Voilà. C'est ce que un lecteur de littérature populaire et accessible attend. Il y a, autour de chaque histoire terrible, une nuit noire et un orage affreux. C'est comme ça. C'est le texte qui veut ça. Et vous êtes conditionné par tout ce qui a été lu avant et c'est accessible directement. Ben, il vient d'écrire de manière latérale cette nuit noire, et là, il arrive dans le texte, il récupère son lecteur auquel il doit s'adresser, tout en ayant donné la possibilité d'avoir une autre description latérale, et il joue des deux côtés. Parce qu'il sait qu'il active les clichés. Hein ? La croisière des ombres, vous êtes quand même dans une nouvelle qui s'appelle La présence horrifiante, qui n'est pas la plus discrète d'un point de vue titrologique. voilà, la présence horrifiante. J'ai parlé tout à l'heure d'un fantastique de la présence, on a presque l'impression qu'il joue de ça. La présence horrifiante, qui figure dans un recueil qui s'appelle La croisière des ombres. Donc là, vous avez encore le côté La croisière des ombres, même si le titre est très beau, mais vous avez quand même tout un champ sémantique qui va jouer sur ce côté nocturne, le côté fantastique. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez quand même l'indication générique, ou le sous-titre, qui est Histoire hantée de terre et de mer. Donc là, pour le coup, si vous n'avez pas compris que vous êtes dans un recueil de littérature fantastique, c'est que vous avez du mal à lire. Hein ? Mais ça, il le sait. Donc ça explique, encore une fois, pourquoi il y a cette lecture, pourquoi Genré va aussi devenir, un peu plus tard, avec les mêmes recueils par Marabout, un auteur aussi populaire, parce qu'il donne à tout amateur de littérature fantastique ce qu'il attend. Mais avec des fois, avec ce jeu. Donc, ça veut dire que la construction est déjà très subtile, parce que c'est premier niveau, et je commande ce premier niveau par l'auto-représentation. Donc c'est déjà un texte qui est pensé en tant que tel. Ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ce qui me frappe, si j'en ai, c'est justement tout ce qu'on a pu dire sur les clichés. Hein, donc les clichés, bah, je vais vous reprendre le reste. Hein. Donc les clichés, effet cumulatif, hein, histoire hantée de terre et de mer, et puis j'utilise des clichés. Et puis on se dit, ça peut poser problème. Au niveau du roman, enfin, quand Genré était contre le roman psychologique, les clichés, il n'y a rien de moins psychologique que les clichés. Encore une fois, quand je vous parlais de Graham Greene, il y a un texte magnifique de Graham Greene sur les clichés dans le cinéma aussi populaire, qui dit, mais on ne peut pas faire ça. Ça va à l'encontre de tout ce qui est réaliste, utiliser des clichés. Ça ne veut rien dire. Et là, bah, j'aurais les utilise. On ne peut pas renier ce que je vous ai dit au début. Il y a quand même des citations explicites de clichés que j'en réutilise. Bon, voilà. Est-ce qu'il est finalement, en tant qu'écrivain, complètement prisonnier de son système, il ferait un fantastique de la présence, et puis il ferait une dénudation des procédés. Est-ce que c'est que ça, Jean-Marie ? Peut-être pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que maintenant, c'est là où on arrive au point crucial, et je vais voir si vous avez suivi. Parce que maintenant, je reprends la présence horrifiante. Vous avez tous les indices. Donc la présence horrifiante, voilà. Voilà, donc je rappelle l'histoire, très brève. Donc cette tempête, cette taverne, hop, dans la taverne, l'étranger, et puis il dit, elle est là. D'accord. Voilà, tout le monde est effrayé. Et puis la fin, je vous l'ai lu tout à l'heure, donc il y a ces cinq plaies, enfin cinq doigts, qui vont s'incliner des plaies ouvertes, et puis le sang noir qui découline, une forme de passage d'or, etc., qui frappe la tête de l'étranger. Donc on a dit, certains, qu'il n'y avait pas d'explication. Il y en a une. Il y en a une. Alors, quelle est-elle ? Pourquoi c'est ce L ? Ah, vous ne l'avez pas suivi. Je suis déçu, je vais arriver là. J'ai pas compris la question. La question, c'est qui est ce L ? L en rime ? Ouais. Je relis la fin. Oui. Oui. Je sais pas, la mort ? Ça pourrait être la mort, oui. Je vous lis, hein. Les cinq coups se frappaient là sur le crâne de l'homme et ce crâne sonnait hideusement sous l'appel scandé d'un tortionnaire invisible. Puis un regard éperdu, cinq plaies, cinq coups s'ouvrirent dans la tête chauve et le sang coula noir sous la lampe. Et plus tard, hein, donc un, deux, cinq coups retentirent et nous vîmes les horribles plaies s'ouvrir dans la tête de notre compagnon. Donc, dans un texte fantastique classique, ça pourrait être la mort, la personnification de la mort, etc. Mais il n'y a aucun autre indice. Pourquoi la mort ? Pourquoi à ce moment-là, si c'est dans une tempête, pourquoi avec ces marins qui vivent la même chose, etc., qui sont tous identiques ? Pour moi, ce n'est pas la mort. C'est une bonne tentative. Eh bien alors, vous n'avez pas bien écouté. Et je vous reprends la citation, je ne l'ai plus, je ne la retrouve plus. Je vous l'ai donnée tout à l'heure. Quand Fernand Verhoeven citait la présence horrifiante, c'est terrible d'utiliser des clichés baudériens, du spin baudérien. Il citait la présence horrifiante et il citait un des personnages qui disait exactement ceci : la hantise de la grande solitude qui heurte notre crâne d'une tache d'irritation. Voilà. Et ça, c'est très fort, parce que ça, je ne l'avais pas vu nulle part, je vous rassure. C'est très fort, parce que ça veut dire que Jean-Ré construit son texte à partir des clichés qu'il utilise. C'est-à-dire que l'écriture même qui porte le texte devient l'agent de l'intrigue. C'est-à-dire la hantise qui heurte notre crâne et tâche d'y rentrer. La hantise de la grande solitude, pardon. Et c'est exactement ça. Sauf que c'était pris dans un dialogue, c'était pris comme un cliché, et c'était pas pris comme explication du texte. Donc là, ça veut dire que c'est très fort d'un point de vue de construction. Parce que non seulement il joue de son côté prisonnier de son lectorat, mais tout en y répondant, il utilise ça comme nœud d'intrigue. Donc ça veut dire que ça va très très loin. Et c'est pas le seul. Je pourrais vous donner un exemple aussi, parce que le bout de la rue, c'est exactement la même chose. Dans le bout de la rue, les geôles, etc., les ailes, ça va représenter le moi identique de tous les personnages. De quoi les ailes? Les ailes qui battaient, etc., à l'extérieur. Oui, d'accord. Il y a le même principe. Quand on relit le texte, on voit très bien que le cliché devient, là, le soubassement de l'intrigue. Donc il a pensé ces textes en fonction des contraintes qui lui étaient imposées. Et ça veut dire que d'un point de vue même fondamental du fantastique, de l'écriture fantastique, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est pour ça que ça rime avec la mort. Il joue avec ce qui est mort au niveau de l'image. Un cliché, c'est une métaphore qui est morte. Et il le fait revivre par le texte en l'utilisant en tant que cliché, mais en tant que pouvoir au niveau de l'intrigue. Et ça, c'est le seul à être capable de faire. C'est absolument, et je vous dis, relisez certaines nouvelles de Jean-Ré avec ça en tête, et vous allez voir que souvent, l'écriture est elle-même base de l'intrigue. Donc ça veut dire que ça remet complètement en cause toutes les perceptions que j'ai pu lui dire au départ. C'est-à-dire que Jean-Ré n'est pas d'un côté ou de l'autre, au niveau du fantastique, il est des deux côtés à la fois. Au niveau de son écriture, il n'est pas du côté de l'écriture grasse ou de l'écriture même, mais il est des deux côtés à la fois. Quand Fernand Verhoeven dit « les mots n'ont qu'une seule dimension et une seule », non, parce qu'il utilise les mots pour définir même ce qu'est un texte fantastique. Et ça, c'est absolument fabuleux, d'après la construction. C'est vraiment génial. Donc, j'ai presque envie de terminer là, mais pourquoi aussi c'est un auteur qui est absolument étonnant? Parce qu'on n'a pas répondu aussi à la deuxième question. Oui, il y a aussi des métaphores sur le final. Qui côtoie des clichés? Donc, les clichés, on voit ce qu'il en fait. Mais pourquoi ces métaphores? Quand on regarde comment fonctionnent beaucoup de textes genrés, c'est-à-dire que les métaphores, c'est toujours la volonté d'une. Alors que les clichés, c'est la loi du collectif, la loi de la répétition. Et quand on regarde ces textes, il y a cette tension entre cette volonté d'être unique et ce côté « je suis pris dans un système égalisant ». Donc il y a à chaque fois cette tension, oui, je répète le terme, parce que c'est ça, entre les deux. C'est-à-dire comment je représente le monde par un cliché, comment je représente le monde par une métaphore, comment le personnage tente d'utiliser une métaphore qui devient elle-même cliché. Et là, c'est « je suis avec les autres ». Donc ça veut dire que c'est très fort, parce que là aussi, quand on regarde ce jeu entre les deux types de représentations latérales, on voit très bien qu'il utilise le langage pour définir la psychologie aussi des personnages. Qu'est-ce qui fait que j'essaie de parler avec une métaphore, et parfois ça fonctionne, et que ça ne fonctionne pas, et ça devient cliché. Donc ça, c'est absolument génial, parce que ça rejoint aussi son expérience, et c'est pour ça que j'insistais, son expérience en prison, qui contrastait, enfin, de manière un peu plus douloureuse, avec ce qu'il avait été avant. Et chez lui, bah, le côté mystificateur, c'est sa vie qu'il va mettre en jeu et en scène, de manière douloureuse, dans sa manière d'écrire. Donc, si j'ai dépassé le temps, je peux presque en arrêter là, parce qu'après ça devient trop compliqué. Mais moi, j'ai envie d'en terminer avec ça. Parce que, encore une fois, présentez-moi un auteur qui fait un système aussi complexe. Ce n'est pas que ça. Hein. Mais quand on comprend un peu cette base, on peut voir tout le côté duplice, tout le côté mystificateur de Jean-Ré, tout le côté « je vous joue avec les clichés, mais je construis des réalités qui n'en sont pas. Je construis tout ce qui est à double plan. » Je construis des textes qui, effectivement, peuvent être lus par le plus grand nombre, avec, et même des critiques et des écrivains comme Fernand Verhoeven, avec des dimensions qui apparaissent, enfin des mots qui apparaissent avec une seule dimension, mais ces mots eux-mêmes sont des choses trappes. Et ça, c'est absolument génial. Quand il va construire après son personnage, et là, on peut revenir même sur la légende, quand il construit la légende, c'est ce côté mystificateur aussi. C'est le côté grandiloquent, c'est le côté grand-guignolesque. Vous voulez, j'écris du fantastique, je vous construis un personnage qui est un personnage fantastique et qui lui-même se met en scène et met en scène ses nouvelles. Donc c'est toujours ce qui est au niveau de la légende. Pour moi, la légende, elle existe pour l'écrivain Jean-Ré. L'écrivain Jean-Ré, c'est sa légende. le personnage Raymond de Kremer, non. C'est faux. Mais pour l'écrivain genré, tout est vrai parce que ça participe de son personnage et ça participe de sa construction. Donc quand on a compris ce système duel, qui est un système vraiment douloureux pour quelqu'un qui veut être reconnu tout le temps dans sa carrière, ben vous avez toute la suite de ce que Jean Rey va écrire jusque 1964. Et là, il n'y a non pas une grille de lecture, j'aime pas les termes grille de lecture, mais en tout cas, des manières de repérer ce qui va faire cette singularité. Donc, la conclusion, c'est très simple, c'est que dans un de ses derniers romans, Jean Rey veut prendre comme personnage principal Iblis, qui est un ange avec une aile blanche et une aile noire. Ben, Jean Rey, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a le côté noir, il y a le côté cliché, avec tout ce que ça représente, et puis il y a le côté blanc, parce qu'il veut aussi faire un personnage qui est reconnu en tant qu'écrivain. Et quand on a ça, quand on a cette perception d'une dualité et d'une tension duelle à l'œuvre, dans tout ce qu'écrit Jean Rey après La Prison, ben, on a quand même une approche d'un écrivain qui est véritablement, pour moi, unique à travers ce qu'il fait de la République. Voilà, merci, je ne sais pas si j'ai débordé, mais en tout cas... Thank you.